Chapitre 28e. Sextus Bonenfant était bien plus embarrassé après qu'avant sa visite. L'extraordinaire mobilité de sentiments et d'idées de Madame Ripert le déroutait complètement. Il ne comprenait rien à ce choc de passion. C'est que, croyant avoir affaire à une femme, il n'avait pas deviné ni par conséquent observé la malade. La fermeture de la porte d'entrée de la maison à l'aide d'un verrou lui avait paru un caprice. C'était une précaution. Sentant venir la crise violente du mal terrible, l'hystérie, Madame Ripert, qui avait encore assez d'empire sur elle-même pour se cacher, était allée s'enfermer dans sa chambre, et malheur à celui ou à celle qui lui aurait porté secours. Sextus n'avait vu que le trouble moral. C'en était assez pour qu'il se gardât de parler de son expédition. Ni Julien ni Mélanie, au surplus, ne le questionnèrent sur l'emploi de son temps. Ils étaient trop heureux de lui annoncer une bonne nouvelle. Par assignation, il avait été ordonné à Julien d'avoir à comparaître à bref délai devant le tribunal de simple police pour répondre à la contravention d'exercice sans autorisation d'un commerce soumis à des formalités particulières et à la surveillance. C'est la solution que le juge d'instruction avait définitivement adoptée. Julien en éprouva une grande joie, un soulagement inexprimable, plus encore pour Mélanie que pour lui-même. Un homme peut supporter l'épreuve d'un procès criminel, son innocence proclamée, l'honneur est intact. Une jeune fille, dans les débats d'une cour d'assises, qu'elle soit accusée ou principal témoin, même quand elle a le beau rôle, perd toujours sa fugitive efflorescence de pudeur, ne fût-ce que par les regards curieux et indiscrets de la foule. Julien avait charge d'âme maintenant. La persécution qu'il subissait depuis 15 jours à cause de Mélanie et par le fait de sa mère lui constituait des droits, bien plus, des devoirs. L'odieuse dénonciation de Madame Ripert légitimait son amour pour Mademoiselle Ripert. M. de Wilberg, qui passait toutes les après-midi 1 heure avec Julien et Mélanie, sans préjudice de ses visites à peu près quotidiennes du soir, M. de Wilberg était auprès d'eux quand Sextus revint à l'hôtel. Les deux jeunes hommes le mirent au courant de la situation et le consultèrent sur la rédaction d'une note destiné aux journaux qui avaient annoncé avec fracas l'affaire du cours des minimes. « Je dois vous dire, conclut Julien, que Mélanie, trop généreuse en cette circonstance, serait d'avis de ne rien publier. Nous croyons-nous que la réparation doit être publique, comme l'a été l'insulte. » Sextus consulta la jeune fille du regard. Malheureusement, soit qu'elle craignît de contrarier Julien si elle influençait son ami, soit qu'elle ne fût pas très convaincue de son opinion, Mélanie baissait les yeux et paraissait absorbée par un travail de broderie. Sextus sentait que Mélanie avait raison, et cela d'autant plus vivement qu'il venait de voir sa mère et d'apprécier son effrayante irritabilité nerveuse, mais il n'osa pas se prononcer, s'étant interdit de parler de son entrevue. « Vous seul pouvez savoir si cette publication est utile, dit-il. Je n'étais pas à Aix quand les premiers articles ont paru. J'ignore les faits qu'ils ont produits. » Vous devez bien vous douter qu'ils ont fait beaucoup de bruit, car les ayant lus à 300 lieues de distance, vous êtes parti aussitôt. Moi, c'était naturel. J'ai vu Julien en danger. Supposez que vous soyez resté à Paris, que nous n'ayons pas d'autre moyen de correspondre. Ne seriez-vous pas bien aise d'apprendre par les journaux que je suis mis hors de cause? Évidemment. La question est jugée, dit gaiement Julien. Mon cher Wilberg, tu peux aller porter ces notes à tes confrères, qui les feront parvenir à leurs journaux. Le lendemain, les colporteurs du petit Marseillais criaient dans les rues d'Aix « Voyez la fin de l'affaire du cours des minimes !» Les facétieux ajoutaient « Ça se termine en queue de poisson !» C'était fort bien pour le public qui s'amuse de tout et qui n'attache pas aux nouvelles d'autre importance qu'une plus ou moins grande curiosité. Ni Julien, ni M. de Wilberg n'avaient réfléchi à l'influence que pouvait exercer sur Madame Ripert ce désaveu de sa conduite, ce soufflet moral. Mélanie en avait eu le pressentiment. Il eût été désirable qu'elle ne se départît pas de sa fermeté et de sa décision habituelle. Mais le coup était porté. Madame Ripert le reçut en pleine poitrine, et elle en ressentit une secousse si violente qu'elle faillit n'y point survivre. Quand elle parvint à surmonter les crises, qui ne lui laissèrent que de courts répits pendant 3 jours, elle avait vieilli de 10 ans. Sa beauté et son intelligence avaient sombré. C'était une femme à la mer. les Aixois avaient, depuis 2 jours déjà, oublié cette affaire, incident des plus infimes, comparé aux événements qui remettaient tout en question à Paris et qui menaçaient la province des horreurs de la guerre civile. C'est le 18 mars que les gamins avaient proposé en riant les exemplaires du petit Marseillais. Le lendemain, on entendait ces cris lugubres « La Commune à Paris !» Assassinat des généraux Lecomte et Clément Thomas. Et les nouvelles se précipitaient, sinistres, terrifiantes. Insurrection à Lyon, insurrection à Marseille, partout le drapeau rouge, partout le spectre hideux de la guerre civile. Les Aixois avaient autre chose à faire que de s'occuper d'un drame de famille, dont ils pressentaient à peine la gravité, n'en connaissant qu'un épisode, tragédie au début, vaudeville à la fin. Madame Ripert, elle, ne pensait qu'à sa vengeance avortée. Dès qu'elle put se lever et s'habiller, elle se fit conduire en voiture chez les magistrats, reprenant son rôle de quémandeuse de poursuite, disant « Il n'est pas possible que l'ordonnance du juge d'instruction soit maintenue. Ce serait un monstrueux déni de justice. Le code autorise le procureur de la République à se pourvoir contre les ordonnances du juge. » Partout, elle fut éconduite. On lui fit même comprendre poliment, mais nettement, que son intervention ne pouvait être plus longtemps tolérée. La malheureuse femme, tout entière à sa haine, aux révoltes de sa vanité, ne s'aperçut pas de la pitié qu'elle inspirait aux uns, de l'étonnement et de l'effroi qu'elle produisait sur les autres. Elle n'avait pas conscience de la transformation qui s'était opérée en elle. Le seul fait nouveau qu'elle constata, c'était l'abandon dans lequel on la laissait. Les plus tenaces de ses fidèles s'éclipsèrent quand elle leur apparut vieillie, défigurée, ne conservant même plus les grands airs qui avaient été sa dernière séduction. Madame Ripert, persuadée qu'elle était victime d'une conjuration habilement ourdie, puisa dans ce délaissement de nouveaux motifs de haine contre sa fille qu'elle rendait responsable de tous ses malheurs. Elle attendait sa venue. Sextus la lui avait annoncée. Elle y comptait maintenant. Elle voulait voir sa fille pour se venger enfin et sûrement sur quelqu'un. Quant à reprendre l'affaire judiciairement, il n'y fallait plus penser. Au cours de ses visites, elle avait appris la condamnation de Julien à 1 franc d'amende par le tribunal de simple police. 1 franc d'amende, quelle amère dérision! 20 fois pendant la journée, Madame Ripert appela Suzon et lui ordonna d'aller chercher Bon Enfant. Suzon obéissait ou faisait semblant d'obéir. Madame Ripert lui reprochait durement de revenir seule, et 2 ou 3 fois, elle leva la main pour la battre. Puis, pleurant, elle lui demandait pardon et la suppliait de retourner à l'hôtel. Elle entremêlait ses ordres, ses prières et ses injures, de menaces contre Mélanie et des ressouvenirs amoureux de Julien. C'était lamentable. Suzon avait profité d'une de ses sorties pour avertir le médecin ordinaire de Madame Ripert. Celui-ci lui rendit visite comme par hasard. Elle lui fit part de ses malheurs et de son désir de revoir sa fille, tout en accablant Mélanie d'épithètes abominables et d'accusations odieuses. Le docteur lui promit tout ce qu'elle voulut, et moitié par persuasion, moitié par ruse, il lui administra une énergique potion calmante qui lui procura un sommeil dont elle avait le plus pressant besoin. Le soir même, sur les indications de Suzon, le docteur eut une conférence avec Sextus Bonenfant, à qui il ne dissimula pas la gravité de la situation. « Surtout, lui dit-il, empêchez à tout prix que Madame Ripert voie sa fille ou M. de Mulset. Si j'étais leur ami ou leur médecin, je leur ordonnerais de partir. Dans l'état d'exaspération où se trouve Madame Ripert, je ne réponds de rien. Cette malheureuse se porterait à quelque extrémité. » Bon Enfant remercia le docteur et lui raconta à son tour son entrevue récente. « Ah, si vous saviez ce qu'en 3 jours les révolutions morales ont fait de ravages sur cet organisme !» s'écria le docteur. Madame Ripert n'a plus que l'apparence humaine. Encore une secousse violente, elle tombera à l'état de brute. C'est impossible. Libre à vous de vous en assurer. Je vous conseille seulement de prendre vos précautions. Le conseil n'était pas superflu. Quand, après une nuit d'absolue insensibilité, Madame Ripert sortit de son engourdissement, elle recommença à réclamer sa fille avec les mêmes gestes impérieux et menaçants. Sextus ne tarda pas à se faire annoncer. « Est-il seul ? » demanda-t-elle. Sur la réponse affirmative, elle dit qu'on pria le visiteur d'attendre au salon. Elle fit une quasi-toilette et se promit d'être bien douce, bien aimable, bien persuasive. Sextus, de son côté, préparait un petit discours. Il s'efforçait de le tourner assez habilement pour que Madame Ripper comprît qu'elle devait renoncer à voir sa fille. Madame Ripper entra au salon. Sextus s'attendait certainement à constater un changement de physionomie, mais la femme qui se présentait devant lui rappelait si peu celle qu'il avait vue 4 jours auparavant, dans tout l'épanouissement de sa beauté, qu'il ne put maîtriser une exclamation de surprise. Le front s'était ridé, les yeux cerclés de noir clignotaient dans des plis sans nombre, les joues pendaient, la bouche s'était empâtée. Seuls, les cheveux n'avaient rien perdu de leur éclat. C'était à croire que depuis longtemps la catastrophe était prévue et conjurée. Madame Ripper ne comprenait pas, ne voulait pas comprendre que son rôle de jolie femme était fini. Son miroir lui avait dit sans doute toute l'étendue de son malheur. Elle s'était refusée à entendre ses témoins importuns. Elle ne permettrait pas surtout qu'on méconnût ce qu'elle croyait être un droit imprescriptible. Mais le petit cri d'effroi de Sextus ne lui avait pas échappé. Cela lui fut d'autant plus cruel que par un mouvement machinal, Sextus regarda, à titre de comparaison, le portrait en pied appendu à la place d'honneur du salon, celui-là même dont Julien avait une copie. Tous les beaux projets de câlinerie qu'avait formés Madame Ripper s'évanouirent. Elle s'avança, menaçante, vers le visiteur. « Que venez-vous faire ici tout seul ? » dit-elle durement. « Vous m'avez fait appeler hier. Malheureusement, je l'ai su trop tard pour me rendre auprès de vous. Ce n'est pas vrai. »« Permettez, madame. »« Ce n'est pas vrai, vous dis-je. » Vous venez m'espionner. Vous êtes comme les autres, plus infâmes peut-être. Les autres, je le comprends, ils sont mes ennemis. Vous, que vous ai-je fait? Je ne vous aime pas, je ne vous hais pas. Vous m'êtes indifférent. Pourquoi vous mêlez-vous de mes affaires? Sextus, bon enfant, ambassadeur, vous êtes ridicule, mon bonhomme. Veux-tu t'en aller? Sextus était trop mal à l'aise en présence de cette femme, qui n'avait plus que de faibles lueurs de raison, pour ne pas accepter son congé. Il balbutia quelques mots et se dirigea vers la porte. Madame Ripper se précipita pour lui barrer le passage. « Vous ne sortirez pas » cria-t-elle. « Vous ne sortirez pas sans m'avoir dit pourquoi vous n'avez pas amené Mélanie, comme vous me l'aviez promis. » Sextus comprit qu'il était indispensable de donner une raison plausible et de faire prendre patience à la terrible femme. « Je venais prendre vos ordres pour cette entrevue. » dit-il avec une telle apparence de sincérité que Madame Ripper s'y laissa tromper. « Est-ce bien vrai, ce mensonge-là » répondit-elle gaiement, comme si elle eût été sur le point de voir son rêve réalisé. « Je vous jure, à la bonne heure. Eh bien, mon cher monsieur Bonenfant, je suis à votre disposition pour quand vous voudrez. Le plus tôt sera le mieux. Voulez-vous demain ?»« Demain matin, alors. Nous pourrons déjeuner ensemble. » Un sourd ricanement de joie féroce démentit l'apparente sérénité de cette fin de conversation. Sextus ne manqua pas de faire son profit de cette remarque, et pour lui, à qui le grand air parut délicieux, en sortant d'une atmosphère imprégnée de folie, et pour ses amis, qui attendaient impatiemment son retour.